radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Bonjour Monsieur Tigris, je voulais vous dire que j'adore votre émission. À chaque fois que je l'écoute, c'est une grande partie aussi pour rigoler. J'adore les thèmes que vous choisissez. J'aime aussi la façon dont vous les présentez et aussi j'aime les écouter avec mon papa. Bonjour Blockbuster, je viens d'écouter en podcast l'émission sur Mortal Avel. Un grand merci car ce soir je vais avoir le bonheur de pouvoir apprendre des choses à mes filles qui en sont complètement fans. En fait, Mortal Avel chez nous, c'est comme si c'était une enfant de plus. On l'a dans la voiture, en lecture, un peu partout. Donc franchement, merci beaucoup pour cette émission et il faut rester mortel. Salut Blockbuster, merci beaucoup pour toutes vos émissions de cet été. Je vous appelais pour vous dire que c'est la rentrée, mais qu'il n'y a pas que des Dolores Ombrage qui vont reprendre le chemin des classes. Il y a aussi des Lupins qui ont hâte de retrouver leurs élèves, de découvrir les nouveaux élèves qui vont les accompagner cette année. Et merci beaucoup pour votre émission d'hier. Moi, ça m'a grave donné envie de travailler Mortel Adèle en classe. Je vous souhaite une super dernière émission aujourd'hui et vivement l'été prochain. Bonne émission, merci pour cet été, c'était trop top. Au revoir. Salut. À bientôt, ciao. Allez, salut. À plus. Bonne fin d'été à tous. To be or not to be, not to be. Eh bien, ça y est, c'est le dernier Blockbuster de l'été. Un auditeur me disait dans un message, « Fred, j'ai un rapport très étrange à ton émission. Tu parles de films ou de séries que je n'aime pas. Quand vous en parlez, j'ai envie de les revoir. Et quand je les revois, bah, j'aime toujours pas. Et pourtant, je vais écouter la prochaine émission. » Alors, tout d'abord, chers auditeurs, laissez-moi vous dire que je connais parfaitement ce cycle infernal de espoir, déception. J'ai une carte d'électeur et je vote tous les 5 ans. Ensuite, c'est une erreur de penser que, quand par exemple je fais une émission sur le jeu vidéo League of Legends, j'ai l'arrogance de vous faire aimer League of Legends. Non, je tente juste d'expliquer pourquoi certaines personnes adorent League of Legends. Je ne cherche pas la conversion, mais la compréhension. Quand un parent m'écrit par exemple qu'en écoutant l'émission sur un manga comme Demon Slayer avec les enfants sur la plage arrière de la voiture, sur l'autoroute des vacances, il a enfin saisi ce qui plaisait tant à ses mômes et qu'il a même pu en parler avec eux, eh bien vous savez quoi ? Je suis content. Quand des jeunes auditeurs entendent que des adultes se retrouvent chaque année habillés en Sherlock Holmes pour célébrer l'œuvre de Arthur Conan Doyle ou pour célébrer la journée de la serviette en hommage à Douglas Adams et qu'ils réalisent que la Japan Expo n'a pas inventé le cosplay, vous savez quoi ? Je suis content. On se parle, même au risque de ne pas être d'accord, mais on se parle. On comprend que la passion qui anime un lecteur de Victor Hugo n'est pas fondamentalement différente de la passion qui anime un joueur de Tekken. Alors bien sûr, des esprits chagrins me reprocheront toujours d'être trop grand public pour certains, trop geek pour d'autres. Tant que des gens viendront à ce micro pour parler de ce qu'ils aiment et non pas de ce qu'ils exècrent, vous savez quoi ? Je serai content. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigris. XYZ. Votre ultime recours, j'ai l'impression. Oh ! Vous semblez étonné de me voir. C'est pourtant vous qui avez écrit ça. Oh, Tiente, c'est bien vous ? Oui, mais appelez-moi donc Nicky Larson. Ken le survivant, les chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, autant de dessins animés qui ont fait l'âge d'or du club Dorothée. Et parmi eux, il y a Nicky Larson, ce beau détective ténébreux et charismatique armé comme l'inspecteur Harry, qui la seconde d'après peut se transformer en pervers lubrique prêt à tout pour séduire ses belles clientes. Mais derrière ce mélange des genres qui peut faire grincer des dents en 2022, il y a l'œuvre de Tsukasa Ojo, une œuvre bien plus subtile et noire que ce qu'il a fait connaître dans nos contrées. City Hunter qui devient Nicky Larson, c'est aussi l'histoire d'une mutation, fruit des censures de l'époque. Et pour revenir sur la genèse de ce personnage culte, j'ai avec moi Valentin Paco, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé de manga. C'est c'est bien ça. Avec nous également de retour, Mathieu Pillon, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste spécialisé pop culture japonaise et auteur du livre Manga que d'histoire à paraître aux éditions Larousse en octobre. C'est cela même. Avec nous pour la première fois, Marcy Zhang, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueuse pop culture asiatique. Exactement. Et enfin, aussi de retour, Christophe Lenin, bonjour. Bonjour. Créateur de Hayaku Shop Manga et vous êtes responsable éditorial de MangaCast. Tout à fait. Je déclare ouvert le dernier blockbuster de l'été. Tony! Je vais mourir. Je le sais. Écoute-moi bien. C'est toi qui avais raison. Pour une fois, j'aurais dû être plus prudent. Ces bandits m'ont eu. Et je suis fichu. Pour moi, tu seras toujours présent. Oui, crois-moi, tu seras toujours à mes côtés. Et je n'abandonnerai pas Laura. Oui, je sais. Prends la bague. Tu la lui donneras. Fais attention à la main noire. Je t'en supplie. Quel incroyable jeu d'acteur. Une mort comme on n'en fait plus. Alors, première question, Mathieu Pillon. Parce que c'est toujours comme ça, hein. C'est à Mathieu que je demande en premier. C'est un petit peu mon Google Doc. Qui est Tsukasa Ojo? Exactement. Oh. Qui est Tsukasa Ojo, s'il vous plaît? Ce que j'aime bien avec vous, c'est que on reste toujours sur des bonnes bases. Exactement. Tsukasa Ojo est donc un mangaka, qui est notamment l'auteur de City Hunter, qui est né en mars 1959. Au nord de Kyushu, donc qui est l'île méridionale du Japon. Chose très rigolote, c'est que quand il était enfant, ses parents lui interdisaient de lire des mangas. Ça, c'est pas très rigolo. Il s'est gavé de séries américaines, notamment à la télévision, et c'est avec ses camarades d'école qu'il a pu découvrir le manga un petit peu en cachette. Il avait un très bon coup de crayon, donc il a commencé à dessiner un petit peu dans les fanzines au collège, au lycée avec ses potes, et comme il dessinait bien, il s'est tourné vers une université d'art et de design, et quand il est sorti, il a participé à un concours du Shonen Jump. Et alors que beaucoup de personnes, quand elles participent au concours du Jump, c'est pour espérer faire une carrière de mangaka, lui, non, c'est juste parce qu'il y avait 200 000 yens à la clé, et qu'il voulait se mettre un petit peu de beurre dans les épinards du ramen. Oui, et même des épinards, parce qu'il est issu d'un milieu très modeste. Oui. Et par conséquent, il a remporté le prix, il a eu le droit de publier une histoire courte, en plus de toucher de l'argent. Bon, bah, quitte à avoir le droit de publier une histoire courte, il publie une histoire courte, en 1980, qui va s'appeler en français « Je suis un homme ». Et déjà, on peut voir pointer dans cette histoire des thèmes qui vont parcourir le reste de son œuvre, puisque c'est l'histoire d'un lycée qui était jusqu'ici uniquement féminin, qui devient mixte, et on va avoir toutes les interactions entre les garçons et les filles, de bonnes sociétés et des prolétaires. Donc il va y avoir toute cette espèce de comédie humaine adolescente qui va se dérouler. Et pendant qu'il va faire cette première histoire, il va rencontrer Nobuhiko Horie, qui va être son tanto, son responsable éditorial, et qui va vraiment le guider. Il est tellement bien guidé que dès l'année suivante, en 1981, il lance Cat's Eye, et Cat's Eye est un véritable succès. Deux ans plus tard, ça devient un dessin animé, ce qui est au Japon la consécration pour une série manga. Suite à ça, en 1985, il lance une nouvelle série qui va être City Hunter. Et donc, il reste dans la même veine du polar, mais il veut une atmosphère qui est beaucoup plus sombre. Et en fait, le lectorat du Jump accroche pas vraiment à cette atmosphère, et grâce à son responsable éditorial, pendant un an, ils vont commencer à chercher un peu les curseurs. Est-ce qu'il faut pousser l'humour? Est-ce qu'il faut diminuer l'action? Est-ce qu'il faut laisser autant de sang? Et suite à ça, City Hunter va devenir le succès qu'on connaît sous la marque Nicky Larson en France. Merci Zhang. Vous avez découvert Tsukasa Ojo avec quelle œuvre? Eh bien, avec Nicky Larson à la télévision quand j'étais plus jeune. Et puis ensuite, quand les mangas sont sortis, évidemment, je me suis un peu jetée dessus. Merci aux premières éditions J'ai lu qui les avaient sortis. Évidemment, je me suis ensuite passionnée pour l'auteur Tsukasa Ojo. Et donc, j'ai suivi absolument tout ce qu'il a lu, dont notamment cette histoire courte, Je suis un homme, qui a été publiée par la suite aux éditions Tonkam, si je ne me trompe pas. Et comment vous résumeriez le style Tsukasa Ojo à quelqu'un? Parce qu'en plus, on est à la radio, c'est difficile de véhiculer les images qui vont avec, mais pour résumer, quoi ça vous fait penser comme style? Eh bien, en fait, il y a toujours ce style extrêmement sérieux. Donc, on sent vraiment qu'il y a des thèmes qui lui tiennent à cœur, que ce soit dans le polar, que ce soit dans ensuite les relations humaines, etc. Donc, il y a toujours une base très sérieuse qui est forcément sous couvert d'énormément d'humour. Et ça, on le retrouve, mais absolument partout. Même, on disait, dans Je suis un homme, il y a cet humour qui est quand même présent. Et dans City Hunter, il est resté. Et puis même après, par la suite, dans ses œuvres comme Family Compo, qui parle aussi de thématiques extrêmement... à l'époque, extrêmement moderne, puisqu'on parle de personnes transgenres, on va avoir ce thème très sérieux, mais sous couvert d'humour, réussir à faire passer pas mal de messages. Et donc, c'est vraiment ça, ce style qui pourra être décrié par la suite, puisque justement, par l'humour, est-ce qu'on peut tout faire passer, mais qui est indéniablement la marque complète de Tsukasa Ojo. Valentin Paco, ce qui caractérise aussi Tsukasa Ojo, c'est qu'il n'a jamais été l'assistant de qui que ce soit. Exactement. Et il arrive avec un style... hyper reconnaissable, déjà très léché, ses personnages masculins et féminins sont magnifiques. Il a une sorte de CV artistique complètement atypique au Japon. Complètement là, dans les règles de l'art. Donc quand on participe au premier concours, on est en général très jeune. Hein. Il avait fait avant de gagner, il avait déjà eu des premiers, des seconds, troisième, quatrième prix, même dans des magazines féminins pour gagner 500 €, etc. Et s'acheter des trucs. Donc en général, on participe à des concours, on est repéré. On nous confie un responsable éditorial qui va nous faire nos armes en devenant assistant d'un mangaka déjà aguerri et petit à petit on va présenter des projets personnels qui auront un jour le sacro-saint go, tu peux publier ta série. Mais Tsukasa Ojo a pas du tout respecté ça. C'est pas le seul, il y en a quelques rares exceptions, mais là pour Ojo c'est aussi parce que lui ne se destinait pas au départ à devenir mangaka. Il faisait vraiment ça, comme le disait Mathieu, pour avoir du beurre dans les épinards et s'acheter des caméras, parce qu'à un moment, lui, il préférait devenir cinéaste. C'était son rêve absolu. Et donc, il dessinait, mais il copiait pas des mangas. Il dessinait tout. Il dessinait ses propres mains, d'ailleurs, très souvent devant un miroir. C'est l'anecdote la plus classique qui cite assez souvent. Et c'est pour ça qu'il a un trait hyper réaliste qui va de plus en plus réaliste au fur et à mesure qu'il progresse. On le voit entre le passage entre City Hunter et Angel Heart. Il y a vraiment un gros gap, déjà dans Family Compo. Et en fait, ce style-là, très personnel, est tout de suite reconnaissable parce que c'est pas un style qui ressemble à quelqu'un avant lui. Il a posé ses propres bases. Et donc, c'est très difficile d'expliquer à la radio, mais Ojo est un point marquant dans l'histoire du manga parce que c'est une référence. Et Christophe Lenain, il y a aussi, c'est une époque où Tetsuo Ohara fait les belles heures du Weekly Shonen Jump, qui est le créateur de Ken le Survivant. Et les éditeurs du Weekly Shonen Jump ont tendance à comparer Ohara avec Tsukasa Ojo. Moi, je trouve que la comparaison ne se fait pas par les contextes d'histoire des deux auteurs, parce que post-apocalyptique et contemporain, ça me paraît un peu compliqué. Peut-être dans le physique des personnages, parce que le vrai, oui. Valentin Paco. Ouais, en fait, je pense que l'histoire de la comparaison vient qu'ils ont le même tanto, et en fait, Ohara est arrivé un ou deux ans après, et lui aussi, donc au lieu de devenir assistant, Aurier a dit « tu dessines trop bien, tu dessines même mieux, tes histoires sont plus abouties en termes de ce que les lecteurs du Shonen Jump veulent, donc on va pas te faire devenir assistant de Ojo ». À un moment, il a été question de le donner assistant, et donc c'est en racontant cette anecdote, en disant « mais non, il est trop bon pour être assistant », qui est rentré cette histoire de alors qu'ils étaient ils sont amis dans la vie. Et ils sont amis, ils ont même monté la même boîte ensemble avec leur éditeur après, quand ils ont quitté le Jump, Koamix. Justement, ce qui est très marquant par rapport à Ohara et Ojo, c'est que, pour bien montrer à quel point Ojo est un électron libre dans les milieux du manga, et particulièrement du manga shonen, sa première série, ce n'est pas un héros adolescent combatif qu'on va trouver, ce sont trois jeunes femmes qui sont des voleuses. Sa deuxième série, c'est un homme adulte, de même que dans Hokuto no Ken, c'est un homme adulte. C'est deux choses qui n'étaient vraiment pas habituelles dans le Shonen Jump. Quand il est arrivé ensuite avec une histoire de famille, de transidentité, le Shueisha a fait, on va mettre ça dans un magazine seinen un peu plus confidentiel, qui change un petit peu. Il a fait des histoires qui sont beaucoup plus, on va dire sentimentales, mais qui touchent une corde intime chez les lecteurs, comme la mélodie de Jenny sous un rayon de soleil. Et à partir de là, dans les années 90, il s'est senti tellement en déphasage avec le monde très rodé du shonen qu'avec Tetsuo Ohara, ils ont décidé tous les deux de partir pour monter leur propre société et pouvoir s'exprimer comme bon leur semblait. Donc voilà, c'est vraiment ce côté quelqu'un qui sort du cadre. Même si son titre original est City Hunter, tout le monde connaît mieux ce dessin animé sous le nom de Nicky Larson. C'est le moment de lancer un karaoké géant dans tous les salons de France et de Navarre. On écoute Jean-Paul Césari avec le générique de Nicky Larson. Première radio de France avec Jean-Paul Césari et Nicky Larson dans Blockbuster. Le générique culte de Cat Size. Christophe Lenain, celui-là, oui. Voilà, Cat Size. Oui. Ça vous évoque quoi? Des fesses. Voilà, des fesses volantes, soyons très honnêtes. Non, Cat Size, ça a été une... Alors, si on parle de l'animé, ça a été un choc auditif et visuel. Parce que quand même, trois voleuses de talent... De la même famille qui arrive à effectuer des vols dignes d'un lupin sans armes, sans violence, beaucoup d'ingéniosité, d'intelligence, tout en mettant la police à mal, mais en même temps en ayant un relationnel très proche avec un des inspecteurs. Mais c'est d'ailleurs grâce à lui qu'elles arrivent à déjouer. Parce qu'il dévoile tout ce... Oui, il est un peu con. Ouais. Pardon, désolé. Mais c'était vraiment une approche du cambriolage, des personnages qui était géniale et qui l'est toujours. Le manga... Mais avec un côté... qui pouvait avec un but, puisque c'était pas des vols gratuits, puisque le but était de réunir une collection pour avoir l'explication de la disparition de leur père. Donc déjà, il y avait un but qui n'était pas juste mercantile, hein, c'était pas juste récupérer du pognon, c'était juste une quête, et tout le développement qu'il y a derrière. L'intelligence du titre, c'était que la version TV et la version papier n'avaient pas la même fin. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit à un mini-spoil TV sur la fin, ça se termine sur une pièce de théâtre. Qui est un peu, en fait, où elles révèlent qui elles sont vraiment, mais comme c'est une pièce de théâtre, est-ce la réalité ou pas? Alors que dans le manga, lui, ça change complètement. Grosse fièvre, il y en a une qui perd la mémoire, et qui va, entre guillemets, retrouver son véritable amour par la suite. Elle va le retrouver. Ah oui, d'accord, tu es donc celui que j'aime. Voilà. Donc il y a une vraie différence, mais il y a un mystère qui restera toujours, c'est le père. Tsukasa Ojo, du début à la fin, il gère. Oui. C'est-à-dire qu'il nous accroche. Que ce soit la version TV adaptée ou le manga, on suit, on y est. Merci Zhang. C'est assez rare, même pour l'époque, d'avoir trois personnages de femmes fortes comme ça, qui tiennent la dragée haute à tout le monde. Et d'ailleurs, dans les Cat's Eyes, lorsque la police commence à se douter de qui est qui, c'est une femme inspectrice qui devine pas les garçons. Bah, c'est vrai que pour l'époque, c'était plus étonnant, même si on avait déjà des héroïnes, mais un peu fortes quand même déjà. On a Lady Oscar pour ne citer qu'elle. Mais par contre, la fameuse Rose de Versailles. Exactement. Et dans Tsukasa-jo, dans toutes ses œuvres, les femmes sont très fortes. Et pas seulement les héroïnes. On parle dans Cat's Eyes, il y a les trois personnages, mais également on peut citer dans City Hunter le personnage de l'inspectrice. Et aussi Laura, Kaori, qui sont vraiment incroyables. Donc, la spécialiste massue. La spécialiste massue. Mais en fait, elles ont toutes plein de rôles différents. Elles sont à la fois des femmes aimantes, puisqu'elles ont souvent des relations avec les personnages principaux masculins, mais aussi elles savent user un petit peu justement de leur intelligence pour réussir à obtenir leur fin. C'est Ikonogami, donc l'inspectrice dans City Hunter, qui n'hésite pas justement à tourner en bourrique un petit peu Ryo Saeba, le héros. Et dans Cat's Eyes, on a donc justement la relation parfois compliquée entre l'héroïne et ce fameux inspecteur, qui fait qu'elle doit à la fois jouer son rôle de voleuse, sans non plus complètement, on va dire, écraser ses sentiments. Et à la fois, c'est un petit peu compliqué. Et cette dualité, on la retrouve vraiment tout le temps. Et c'est ça qui fait que les personnages féminins sont hyper attachants, parce que très réalistes, finalement. Ce sont des femmes qui s'assument, mais à la fois, on peut montrer une certaine fragilité que l'on retrouverait chez n'importe quel être humain, finalement, sans forcément avoir un personnage qui est fort jusqu'au bout et qui n'a aucune empathie. Parce que c'était un peu le risque, notamment dessiné par un homme, d'en faire finalement des clichés. Et il a complètement évité ça, mais encore une fois, cette sensibilité qu'il a sur ses personnages, c'est sans doute ce qui fait la plus grande force de narration, en tout cas de Tsukasa-jo. Valentin Paco, le générique de Cat's Eyes, qui est devenu culte pour toute une génération de spectateurs, on a eu droit à une version censurée. On a eu deux versions en fait. Donc on a eu au départ, on adapte les chansons, mais on garde les images du générique japonais. Et ce générique japonais voyait une des héroïnes de profil au soleil couchant. Donc elles sont vêtues d'un juste au corps. Donc le juste au corps au soleil couchant, on peut avoir l'impression qu'elle est nue. Très très James Bond dans l'esprit. Voilà, complètement. Hein. De toute façon, l'hommage était voulu. Et donc les associations familiales se sont plaints que nos petites têtes blondes puissent être exposées à cacher ce téton que je ne saurais voir. Et donc un deuxième générique a été remonté un peu dans l'urgence pour changer ça, mais on a tous gardé souvenir de ce premier générique qui existe encore et qui est trouvable sur Internet et qui est de toute façon le générique japonais. Donc, Mathieu Pinon ? Oui, en fait, ce qui est vraiment très marquant dans Cat's Eyes, c'est que donc toutes les femmes étaient très fortes, que ce soit les trois voleuses ou l'inspectrice, et alors que tous les hommes étaient tout le temps ridicules. C'est-à-dire que Quentin Chapuis, le héros Toshio, je ne sais plus comment en version originale, il a le sens de la justice, il est vraiment droit, c'est un garçon très très très bien, mais il est complètement benêt, il se fait mener aussi bien professionnellement que sentimentalement. Son chef, qui est une espèce de monstre irascible, ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et je trouve que Quentin est quelque part un petit peu une version brouillon de Ryo Saeba, au sens où, si on rajoute un côté classe à Quentin, on va retrouver Ryo Saeba. Et il manquait ce côté classe pour avoir un héros masculin qui puisse mener une série. Et donc Ryo arrive, quand il est au boulot, quand il est le tueur à gages de Shinjuku, il y a rien à dire, il est vraiment impitoyable dès la première scène où il se tire à travers la main. Enfin, c'est quelque chose qui marque tout le monde. Mais d'un autre côté, dès qu'il y a le moindre jupon qui passe, il devient complètement ridicule. Donc on retrouve tout le côté ridicule du héros de Cat's Eyes, auquel il y a une dimension de héros qui a été rajoutée, et c'est cette bivalence justement qui fait de Ryo Saeba, qui donne tout son sel à City Hunter. Il était présent dans Cat's Eyes sous la forme du personnage Laura, qui a été un inspiration voleur. Aussi, donc oui. C'est un mash-up entre les deux. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans l'œuvre de Tsukasa-jo, Christophe Lonin, on retrouve souvent le même personnage, le même visage. On a l'impression en fait qu'il a un casting d'acteur, alors c'est lui qui les dessine, mais qu'il réutilise à loisir suivant son œuvre. Oui, mais je pense qu'en fait, c'est pas pour dénigrer les œuvres précédentes, mais c'est des prototypes de ce qui frappe pour le futur. Et donc, quand on passe de Cat's Eyes avec tout ce côté sombre, aventure, action, on le retrouve entre guillemets, amélioré sur City Hunter. Parce que là, effectivement, le Quentin, oui, il est passé au level up, hein, et il a gagné tellement de points d'XP qu'il est devenu Ryo Saiba. Donc, il est devenu un tueur professionnel qui a un passé complexe, puisque, bah voilà, lui, c'est un enfant de la guerre, enfin, par accident, puisque l'avion s'écrase. Ça s'est crashé dans la jungle, il a été récupéré par des guerrieros et par une personne en particulier qui deviendra son père adoptif, qui en a fait un enfant soldat. Il va grandir avec ça et il n'aura connu que la guerre alors que c'est un japonais pure souche et que pour lui la guerre à la base c'est complètement inconnu. Donc quand il revient au Japon, bah, qu'est-ce que je peux faire ? Bah, ce qu'il sait très bien faire, c'est tueur professionnel, prendre des contrats, puis au fur et à mesure, bah, peut-être évoluer sur d'autres choses, des partenariats, ce genre de choses. C'est un personnage très complexe, Ryo Saiba. Oui, parce qu'il y a cette dualité et ce mélange de genres très spécifique dans City Hunter, où on a l'impression que Tsukasa Ojo a fait une histoire très noire, très sombre autour de Ryo Saiba, et en même temps, on sent qu'il a envie de mettre de l'humour, mais vraiment très décomplexé, premier degré. Et il y a aussi cette dimension d'action, il y a les trois qui s'entrecoupent en permanence. Je ne sais pas si Tsukasa Ojo avait vraiment prévu de mettre de l'humour, comme le disait Mathieu, puisque c'est par rapport à la publication du Shonen Jump, les gens lisaient, trouvaient ça trop sombre au final, puisqu'ils veulent quand même un petit côté gaudriole, hein, le Shonen Jump s'en sort très bien avec ça. Et justement, je pense que l'humour a été implémenté en discussion entre son éditeur, son Tanto, et Tsukasa, qui n'avait pas forcément prévu. Et lui, il s'est dit, ouais, je vais faire un truc sombre, vraiment dark. Et puis, en fin de compte, en termes de vente, ça serait pas fait. Au final, la discussion, l'échange avec les deux fait que, ils ont trouvé un bon équilibre, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle. Nous sommes toujours ensemble pour parler de Nicky Larson / City Hunter. Mais pour le moment, on écoute Arlo Parks avec Softly. Ça. Arlo Parks avec Softly. Vous ne savez pas que c'était moi qui avais fait assassiner son papa. Oh. Dis-moi un peu, quel effet ça fait d'être recherché par la fille de son ancien équipier Mammut ? Explique-moi ça, elle veut venger son père ! J'espère que tu apprécieras cet effort d'imagination de ma part. Il en perd sa mammouth, le mammouth. Eh oui, il en perd sa moumoute, le mammouth. Alors effectivement, on vient d'entendre un extrait de Nicky Larson, culte en France, mais on a entendu parler d'un City Hunter noir, sombre, et là tout d'un coup on entend ce doublage fait par Maurice Sarfati, qui jouait quasiment tous les antagonistes. Voilà. Et comment expliquer ce changement et surtout ces dialogues et ce style qui finalement sont restés mais dans les mémoires de plein de spectateurs français? Il faut remettre dans le contexte de l'époque, on a AB Productions et tous les et Silvio Berlusconi qui découvrent au Japon une manne de dessins animés à pas cher, où ça revenait moins cher d'acheter un épisode japonais que de produire une minute en France. Donc ils ont acheté des catalogues en entier sans même regarder ce qu'ils achetaient, des fois avec des gros coups de peau en ramenant des trésors et en mélangeant tout dans une seule case de programmation en France. Donc quand arrive une case où tu passes de Booba le petit ourson, Yakari, puis un seul coup City Hunter ou Ken le survivant, tu dis... C'est les doubleurs qui ont sauvé l'affaire en disant bah non... Alors, qui ont imposé, je sais pas si on peut parler de sauver du coup, parce qu'il y a des grands débats, est-ce que c'est bien ou pas, mais c'est les doubleurs qui ont dit, ok, si on veut le passer sur cette plage horaire, dans ces contraintes-là, nous on veut appliquer une sorte de censure, une adaptation. Voilà, une adaptation forte qui permettra d'enlever la partie de violence qui reste, parce que la version animée est quand même déjà beaucoup moins noire que le manga, parce qu'il y a donc ce premier transposage dès le Japon, et où on remplace des mots. Donc City Hunter, on l'a dit tout à l'heure, Nicky Larson est un obsédé notoire, il essaye à chaque fois d'emmener toutes les nanas dans des love hotels en France, dans le doublage français, c'est des restaurants végétariens. Donc bien sûr, on comprend pas du tout, on perd la blague, mais ça permet d'avoir l'œuvre qui a été diffusée, donc dans un sens, oui, dans ce sens-là, ils ont complètement sauvé, et la prestation de Vincent Ropion est tellement parfaite en Nicky que alors, son doubleur. On parle depuis le début de cette émission d'un protagoniste hautement problématique qui soulève les jupes des femmes, se cache dans le placard, sous le lit, leur saute dessus, en général juste avant de se prendre un coup de massue. Mais ça, hier comme aujourd'hui, il y a des gens, ils n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Alors, je n'ai pas regardé Nicky Larson depuis mon enfance, et je me souviens principalement de sa tête débaillie, baveux, à chaque fois qu'il voyait une jeune demoiselle. Donc, je suis très curieuse d'écouter l'émission, pour me rappeler de quoi ça parlait, et puis surtout des discussions qu'il va sûrement y avoir au niveau du regard aux femmes et du rapport au genre. Je sais pas trop comment vous dire ça, donc Nicky est un obsédé sexuel. Je suis scandalisée. Bon, je vais arrêter de jouer la comédie, je me doute bien qu'absolument chacun d'entre vous connaissait cette fameuse particularité du personnage de Nicky. Et pour cause, dans l'animé, il a la brillante manie d'essayer de violer absolument toutes les filles qu'il croise. De ce fait, tous ses clients, sauf de rares exceptions, sont des femmes, et il essaiera fréquemment de les... On a compris. Bordel, mais ils ont méga raison, c'est super sexiste en fait. J'aime pas, j'aime pas. Mathieu Pinon, vous vouliez parler ? Allez-y. Oui, ah, mais avec plaisir. Alors, un petit peu de contexte historique. En 1959 sortent au Japon les deux premiers hebdomadaires pour garçons qui sont le Weekly Sunday de Shogakukan et le Weekly Magazine, Shonen Magazine de Kodansha. 10 ans plus tard, débarque le Shonen Jump, qui est donc Shueisha, qui se met dans le milieu, et Shueisha arrive avec 10 ans de décalage, et donc il rue dans les brancards. Le premier gros succès du Shonen Jump s'appelle L'école impudique, Alin Shigakuen, de Go Nagai. C'est un manga extrêmement trash, à côté... Le créateur de Goldorak. Le créateur de Goldorak, entre autres. À côté City Hunter ou Nicky Larson, c'est très gentil. Vraiment, là, ce sont les profs qui vont soulever les jupes des filles et voir qu'il les déshabille, qu'il est violente. Il y en a, ça a été un carton absolu et ça a été un petit peu la marque de fabrique du Jump. Quand, même pas 20 ans plus tard, en 85, City Hunter a du mal à démarrer, que Nobuhiko Ollier, le tantôt le responsable éditorial de Hojo, décide d'apporter de l'humour, qu'est-ce qu'il fait ? Il va puiser dans les racines du Jump. Or, les racines du Jump sont cet humour extrêmement grivois. Par conséquent, on retrouve cet humour grivois dans Nicky Larson, City Hunter. Néanmoins, ce qui est très important, c'est de se rendre compte qu'à chaque fois que Ryo Saeba va justement soulever des jupes, essaie de regarder par l'œil, par la serrure ce qui peut se passer, il est systématiquement tourné en ridicule et dans 99% des cas se prend le fameux coup de massue de Laura que tout le lectorat attend. On attend même presque plus que ça que la scène où on va peut-être voir un bout de culotte ou de soutien-gorge. Donc il y a vraiment ce côté qui, par rapport aux racines du jump, prend une tournure qui est quand même beaucoup plus... Je vais pas dire que c'est féministe parce que c'est pas le cas, mais c'est quand même modéré, c'est vraiment tempéré. Maintenant, je pense que Marcy a un autre avis sur la question, Marcy. Mais il fallait quand même au moins remettre ce contexte. Non, mais tu l'as. Écoute, merci d'avoir remis le contexte. Souvent, on me dit oui, mais tu vois, ils font passer ça pour de l'humour, et c'est vrai que quand on a des agressions sexuelles, le premier argument qui arrive, c'est ah, mais c'est bon, c'est pour rigoler. Ah là là, les filles, vous savez plus rigoler. Eh bien, là, justement, on peut se dire que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand on parle d'humour dans City Hunter, ce n'est pas pour excuser un comportement sexiste. Les gens qui font des choses, par exemple des agressions sexuelles, eh bien, eux, ils le font pas pour amour. Hein. Ils l'utilisent. C'est l'argument, une fois qu'on les prend et qu'on leur dit « mais ça va pas la tête », ils vont dire « c'est bon, c'était pour rigoler ». Non, ce n'était pas pour rigoler. Tout le monde est bien au courant que ce n'était pas du tout pour rire. Alors que dans City Hunter, c'est réellement un ressort scénaristique pour faire de l'humour. Comme tu le dis, il est tourné en ridicule. Les femmes se servent de lui par rapport à ça. Et également, il est expliqué un petit peu plus tard que, effectivement, son entre guillemets excuse, c'est de détendre l'atmosphère. Notamment, il y a un chapitre où il doit aider en fait toute une troupe de théâtre féminine et masculine. Et ça s'en sort dans une belle orgie à la fin où tous les garçons et toutes les filles essaient de regarder dans les vestiaires. Et les filles et les garçons se disent ah là là, mais en fait, finalement, c'est bizarre. Il nous a aidé à nous détendre pour cette grande représentation que l'on doit faire. Alors oui, ça peut paraître complètement désuet de se dire « Non mais bon, qu'est-ce que tu nous racontes là ?» ça paraît un petit peu gros. Il n'empêche que dans chaque chapitre, on a dit, c'était un manga noir, on tue des gens, il y a des gens à protéger, parfois c'est des histoires vraiment lourdes, familiales, diverses et variées. Et cet humour sert justement au personnage d'alléger un petit peu finalement l'humeur de tout le monde en mode bon, on sait que c'est pas drôle en ce moment et que c'est quand même compliqué. Enfin, je veux dire, on parle pas de gens qui doivent vendre des fruits et des légumes, hein. On parle de gens qui vont se faire tuer potentiellement et qu'il doit protéger. Donc, oui, c'est de l'humour, du vrai. Et il y a ce contexte-là, effectivement, de l'époque qui est très important et que l'on doit remettre un petit peu... Et je vais me rajouter une toute petite couche, c'est que le dessin animé a été édulcoré par la version française. Alors c'est vrai que c'est très amusant quand on voit Nicky en version française qui sort tout un chapelet de préservatifs en demandant si on veut aller au restaurant végétarien. C'est là que chacun comprend le sous-texte. Mais le dessin animé lui-même est extrêmement édulcoré, pas uniquement par rapport à la violence, comme l'a si bien dit Valentin tout à l'heure, mais par rapport au manga, parce qu'il y a énormément de gags dans le manga qui tourne autour de l'érection de Ryo. Le Mokoli. Qui a même un nom qui est le Mokoli, qui est le coucou en français. Il se libère à un moment, ligoté à une poutre, et il réussit à briser la poutre, je vous laisse deviner comment. Voilà, donc il y a vraiment des gags qui tournent uniquement par rapport à l'érection de Ryo dans le manga, et c'est de l'humour grivois. Et alors, Dieu sait qu'en France, on aime les gauloiseries, à partir de là, si on commence à jeter l'opprobre sur ce genre de manga, il y a énormément de films français, que ce soit depuis Mon curé chez les nudistes, à la filmographie de Max Pécasse, qu'il faudrait également jeter au feu. Mais je pense que les gens sont d'accord. Et un petit quelque chose aussi sur la série TV en version française, entre guillemets. Tout à l'heure, on disait que les doubleurs, enfin les comédiens de doublage avaient allégé, oui, peut-être pas par envie, peut-être par demande aussi, mais si vous reprenez la City Hunter 1, donc la première saison, les premiers épisodes, au moins les 8 premiers, sont pas drôles du tout. Enfin, je veux dire, ils sont exactement comme devait être un City Hunter qui était, comme au Japon. Je veux dire, il y avait plus l'humour qu'on a entendu tout à l'heure avec les bullettes. Oui, donc, ça c'est monté en puissance. Voilà, mais au début, c'était comme ça devait être. Oui. Et je pense qu'à l'heure où c'était diffusé, on a fait « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Oui. Pourquoi on passe à un polar, voire slash thriller, à 16 heures de jeunesse ? Oui, donc, voilà. Mais c'est d'ailleurs la même chose avec Ken le Survivant. On a vu une évolution où au bout d'un moment, quand les gens dans un futur apocalyptique se jettent, se suicident, on entend le lui « Oh non, mais il ne faut pas s'approcher de là. Oh, elle va tomber. Oh, elle est tombée. Bon, regarde. » C'est des dialogues surréalistes. On se dit, elle n'a pas mis la barrière, elle est tombée. On n'a plus, elle est tombée. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que le cadre de City Hunter, c'est Shinjuku, Kabukicho, qui est le quartier rouge de Tokyo. Donc imaginez qu'on fasse une histoire qui se passe à Pigalle où il n'y aurait pas d'ambivalence sexuelle. Enfin, c'est inimaginable dans une série française. Ben là, c'est le cas. Hein. Et Valentin Paco, il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé dans les inspirations de Tsukasa Ojo, c'est qu'il était fan de Tom et Jerry. De Tex Avery. De Tex Avery. Ouais, et que justement, ces courses-poursuites entre Kaori, Laura avec son marteau qui tape Nicky Larson, c'est son hommage à lui de la souris Jerry qui fracasse la tête de Tom. Complètement, complètement. Et même la perversité de Rio, c'est le loup. Hein. Il y a rien à dire dessus. Il était très très fan. Il a été bercé par toute cette culture américaine quand il était jeune, qui découvrait au départ en version muette d'ailleurs. Et c'est seulement une première fois quand il a été voir au cinéma qu'il a vu une version non muette. Et après, il fera plein de comparaisons en disant justement, j'aime quand pouvoir exprimer mon art avec le moins de détails possible, le moins de verbosité, très peu de couleurs par rapport à beaucoup de mangaka. C'est un de ceux qui a fait le moins de pages couleurs parce qu'il trouvait que c'était important de s'exprimer très très bien avec le noir et blanc. D'ailleurs, il critique beaucoup les jeunes auteurs modernes. Alors, pas critique, c'est peut-être... Il trouve que les auteurs modernes qui ont connu la couleur ont tendance à moins profiter de la richesse, moins exploiter la richesse que permet le noir et blanc. Mais pour revenir sur ces gaudrioles, oui, complètement. C'est un hommage à Tom et Jerry et on est là pour se fendre la poire quand Rio en prend plein la gueule. Effectivement, ça passe un peu sous le tapis les agressions sexuelles qu'il commet, mais le but, c'est vraiment de donner un déclic de pourquoi il va se faire taper. Et c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, la dualité permanente de qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui peut compenser, qu'est-ce qui peut être le yin du yang du tueur en série. Et le yin du yang du tueur en série, bah, c'est le joli cœur ridicule. Et c'est là où il arrive. On arrive bientôt vers la fin de cette émission et même de cette saison d'été. Mais avant cela, on écoute Colline Rio avec On m'a dit. On m'a dit, t'es trop douce, t'es trop lisse, tout glisse sur toi. Sois moins tendre et descends ta voix. Tu sais, les gens gentils comme toi, on n'aime pas ça. Faut te durcir. T'écoutera pas. Je veux me montrer nue devant vous. Je ferai tomber les bijoux. Ce soir, je veux vous montrer mon visage sans le maquillage. Elle monte, elle sent. pourriez peut-être commencer par me donner votre nom. Blockbuster. Iris Woods, enchantée. Frédéric Sigrist. Ah, c'est un nom qui me met en joie. Pardon? Ne l'approche pas, espèce de pervers! Sur France Inter. On m'a dit de Colin Rio. Tu as un instant à m'accorder? Pour toi, toujours. Nikki, la nuit a été pour le moins agitée. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Tu me connais, j'ai la mémoire plutôt sélective. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas passé la nuit ensemble, toi et moi, parce que ça, je m'en souviendrai. Course-poursuite en plein centre-ville. Multiples violations du code de la route, mise en danger de la vie d'autrui, destruction de mobilier urbain, et pour finir, une énorme explosion. De mémoire de policier, on n'avait jamais vu autant de dégâts en si peu de temps. Ça ne te dit vraiment rien, tu en es sûr? On a fait ce qu'on jugeait nécessaire sur le moment pour assurer la protection du client. Et puis le principal, c'est que vous ayez arrêté ces terroristes, non? Tu fais l'offusqué, mais vous êtes les grands gagnants dans cette histoire. Vous n'étiez peut-être pas obligé de vous donner en spectacle et de faire cracher du feu à Godzilla. Je te préviens, la facture risque d'être très salée. Christophe Lenain, Angel Heart est une suite officieuse de City Hunter. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce manga? Oui, mais pas en bien. Allez-y. Non, en fait, le Angel Heart, oui, suite officieuse, Tsukasa Ojo a fait... Alors, on a le dernier chapitre de City Hunter classique, on voit une scène de fin que je laisse découvrir aux gens, et on se dit, bah, oh, on retrouve City Hunter dans cette suite qui s'appellerait Angel Heart, sauf que ça commence très très mal au début. Donc, je pense que Tsukasa Ojo, le jour de sa publication, a dû recevoir des lettres de menace de mort, parce qu'il a tué le personnage qu'il fallait pas tuer. Et ensuite, bah, il a brodé une histoire qui où le cœur de Kaori devrait rejoindre Shinjuku, puisque elle est, je vais le dire, hein, selon on spoil, elle va décéder, voilà, suite à un accident de la route, puisqu'elle sauve quelqu'un, mais elle en meurt, elle se prend un camion, comme dirait l'autre. Et donc là-dessus, bah, Ryo bah, désespère, puisque son amour est mort, et on lui apprend dans la foulée que le corps de Kaori a disparu et qu'on lui a prélevé son cœur, qui a été transplanté dans le cœur d'une jeune fille qui elle-même est une tueuse professionnelle. Voilà. Donc, le cœur de Kaori est censé revenir à Shinjuku. À première vue, la jeune fille est aussi portée par ça. Et quand elle arrive, du coup, Ryo Saiba ne peut pas l'éliminer parce que voilà, son amour transcende entre guillemets, et il va devenir un père adoptif et un mentor pour cette jeune fille qui cherche la rédemption. Et tout ça va bien sûr se passer à Shinjuku, parce qu'on n'en sort pas de Shinjuku, on a l'impression qu'il n'y a qu'une ville à Tokyo et c'est Shinjuku. Voilà. Et Tipino, c'est une variation sur le thème qui apporte un aspect qui manquait jusqu'ici dans City Hunter, à savoir, on avait un jeu du chat et de la souris, dynamique et romantique entre Ryo et Kaori pendant tout le... Et là, on a un aspect plus familial, une relation plus père-fille, qui permet de renouveler un peu City Hunter, de donner un nouvel aspect à l'univers. En dehors de ça, effectivement, on sent que c'est pas... malgré toutes les bonnes idées, c'est un peu du tir à la corde. Là où il y avait vraiment une scission bien nette entre Katsai et City Hunter, là où il y a F-Compo qui est quelque chose de complètement différent. Là, vouloir revenir sur un univers qui avait déjà été travaillé par Hojo, on se demande si au bout d'un moment le mangaka n'a pas déjà tout exploité. Donc c'est un petit peu en demi-teinte pour moi aussi. C'est un titre en fait qui a beaucoup trop de bons sentiments. Tout peut s'arranger, même les méchants ne sont pas si méchants que ça, voilà. Et ça perturbe pour un lecteur ou une lectrice de City Hunter, Nicky Larson. Bon, Nicky Larson, c'est pas trop perturbant, puisqu'on l'a un peu rendu plus agréable à un plus large public, mais City Hunter, en soi, comme je disais, c'est un thriller, et là, je pense qu'on a perdu quelque chose à ce niveau-là, ce qui en fait une nouvelle histoire, mais dans laquelle je me retrouve pas vis-à-vis de mes lectures. Merci Zang, il y a aussi une autre version encore de City Hunter qui est carrément une mise en abîme avec une lectrice de City Hunter qui se retrouve dans l'univers de City Hunter. Oui, c'est un manga qui vient de commencer et qui est assez incroyable puisque bah, c'est vrai qu'on pensait avoir un petit peu tout vu. Et puis on en oublie que City Hunter a quand même pas mal d'années derrière lui et donc il était temps d'avoir cette forme d'histoire. Alors c'est pas dessiné par Tsukasa Ojo mais le style y est et en fait c'est l'histoire donc, d'une fan de City Hunter qui se retrouve... on va pas dire comment ni pourquoi, mais qui se retrouve donc dans le passé, à l'époque de City Hunter, avec les personnages de City Hunter. Et donc elle retrouve Ryo Saeba, Kaori, mais elle sait déjà tout. Et donc ça va être très difficile pour elle de ne pas raconter ce qu'elle sait déjà, et pour éviter certaines situations. Et donc on va retrouver des chapitres du manga de City Hunter dans cette nouvelle version, où il y a ce personnage en plus. Donc on va retrouver des... C'est semblable à ce qui avait été fait avec Dragon Ball, avec cet étudiant qui se retrouve dans la peau de Yamcha. Exactement. Et qui sait donc qu'il va être le loser tout au long de... Voilà. Et qui décide de faire de Yamcha le personnage le plus puissant de Dragon Ball. C'est un petit peu ça, sauf que c'est très compliqué. Tu vois, on peut pas changer le passé et on peut pas changer toutes les histoires. Donc il y a évidemment un moment où on arrive à ce, on va dire, ah, finalement, je vais peut-être changer des choses. Et puis, qu'est-ce qui va être changé et pourquoi ? C'est ce qui fait tout l'intérêt. Mais c'est très agréable de retrouver ces anciens chapitres, ces anciennes histoires où nous aussi, on s'est dit, mais oui, je me souviens de ça et c'est le moment où il va se passer ça. Et enfin, on est un petit peu l'héroïne dans ce titre. Hein. On fait un peu office pareil de fans qui se retrouvent dans ce monde-là. Et qu'est-ce que nous, on aurait fait ? Et c'est toujours intéressant de lire ce genre de titre. Valentin, je veux juste que ça tombe super bien parce qu'il y a la réédition de City Hunter, le classique, là, qui arrive le 21 septembre. Ah bah alors là, on a trois dates. Bref, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle édition. Le 21 septembre de Perfect avec des bonus, etc. Et justement, comme j'avais commencé à lire City Hunter Rebirth, j'avais très envie de retrouver les chapitres correspondants. Et là, ça, pour les fans, c'est parfait. Hein. On n'a pas parlé des films, Valentin Paco. C'est des films live avec des vrais acteurs. Avec des vrais acteurs. Il y a notamment une version culte avec Jackie Chan. Il y a une version sud-coréenne. Il y a la version avec Jackie Chan complètement folle, qui est une sorte de film à sketch où à un moment donné, Jackie Chan se fait électrocuter avec une borne arcade et il y a un combat de Street Fighter. Où il devient Chun-Li. Meilleur film. C'est incroyable. Film incroyable. En fait, donc c'est pareil, quand Tsukasa Ojo est parti à quitter Shueisha, il est devenu donc maître de ses droits et responsable sur les adaptations, mais avant il l'était pas à 100% parce qu'on délègue les droits, donc il est parti en 2000. Il y a eu plusieurs donc projets d'adaptation avant l'an 2000, pas forcément tous légaux d'ailleurs. Il y avait eu un film Savior of the Soul qui est, je suis pas sûr que celui-là ait eu la licence, c'est pour ça qu'il n'y avait pas les noms, les vrais noms, c'est une série qui a marqué énormément de générations dans le monde entier. Donc on le voit donc avec des nouveaux auteurs qui ont été bercés par ça, qui s'approprient notamment Philippe Lachaud. Et notamment Philippe Lachaud qui a fait, je trouve, une des meilleures adaptations de BD en film, parce que j'en ai pas vu beaucoup des adaptations de BD où je suis pas ressorti avant la fin du film ou vraiment en me sentant trahi, quel que soit l'amour ou la sincérité du metteur en scène. Il y a des choses qui sont très difficiles à adapter et donc dans ce film, alors faut savoir que Philippe Lachaud a pris le parti pris de dire j'adapte Nicky Larson, j'adapte pas City Hunter, donc pas le manga noir, j'adapte la version, donc avec l'outrance d'un doublage. Oui, t'es même eu, t'es peur des chats. Complètement. Dans l'humour très très excessif, qui lui sied très bien, qui l'apprécie et qui manie. Si on enlève 2-3 zizicoptères un petit peu trop présents, moi je trouve que c'est un très bon film. J'ai été touché par la sincérité de toute l'équipe, parce que ça sent. C'est malheureusement la fin de cette émission. Merci Zang, Valentin Paco, Mathieu Pinon et Christophe Lenain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Camille Mathy. Merci Camille. Formidable semaine passée en ta compagnie. Elle a été préparée par Manon Rax, Aurore Mancipé et Emma Ferret, évidemment, avec l'aide de nos stagiaires Benjamin Woodcock et Alice Galtier. Un grand merci également à Alexandre Chenet à la technique aujourd'hui et Clément Vullier au mixage. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Est-ce que tu pourrais m'écouter au moins quand je te dis quelque chose, non ? Oh, dis donc, tu as la langue chargée. Ah, j'ai entendu, il a été champion olympique de tir. Et tu penses être capable de te mesurer à lui ? Bien sûr, moi aussi je suis le numéro 1. Oui ? Le numéro 1 des séducteurs. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver à 17h Charline et toute la bande de C'est Encore Nous. Ça fait une semaine que je les croise dans les couloirs, ils sont reposés, bronzés, en pleine forme. C'est peut-être la fin de l'abondance, mais pas la fin du chardonnay. Quant à moi, je vous retrouve tous les vendredis matins dans le 5-7 de Mathilde Munoz et tous les 15 jours, un podcast avec Blockbuster. Et le prochain podcast sera consacré à la famille des Titans Verts. Hulk et à sa cousine Miss Hulk. Après le journal, vous allez retrouver Sonia Chironi pour un monde nouveau. Bonjour Sonia. Bonjour Frédéric. Comment ça se passe? Vous êtes en plein festival là? Ça se passe très bien Frédéric, nous sommes au festival Rock en Seine dans le parc de Saint-Cloud, le festival qui fait son grand retour après 3 ans d'absence et on vous attend avec plein d'invités. Le trio britannique des London Grammar qui est installé autour de moi et qui nous attend. Et puis on recevra aussi la rockeuse française Jenny Bess et le duo Gwendoline avant une grande soirée musicale jusqu'à minuit sur France Inter. Merci beaucoup Sonia. France Inter.